LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Comment vous avez fait pour arriver là? Comment vous avez fait pour arriver là? À pied? Vous êtes passé par où? C'est le périphérique ici, hein, c'est interdit. Hein. Le périphérique, pour moi, c'est le go fast. Ah, j'adore. C'est ma bagnole, en fait. Parce qu'en fait, je le prends tout le temps, le périphérique. Mais, j'ai pas d'animosité, moi, vis-à-vis du périphérique. C'est un utilitaire. C'est un vecteur. Je le vois pas comme une frontière, en fait. Je l'ai jamais vu comme une frontière. Je le prends tous les jours, plusieurs fois par jour. Le périph, après tout. Camille Jusa, Benjamin Hu. C'est l'enfer d'Hidalgo. Hidalgo démission. Le périphérique, c'est ça. C'est-à-dire que je deviens une espèce de vilaine nana de droite sur le périphérique. Je deviens une banlieusarde, tu sais, genre, je déteste les Parisiens en vélo qui m'emmerdent. Et là, je dis, putain, mais merde, mais laissez-moi conduire tranquille. Je veux juste aller d'un point A à un point B, quoi. Et pour faire du banlieue à banlieue, tu ne peux pas faire autrement. Merde. Épisode 4, le périph, c'est comme la révolution, il faut le prendre d'un bloc. Il y a 10 ans, je montais dans la voiture du critique d'architecture François Chalin pour faire ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire un tour complet du périph. Il nous avait lancé à 80 km/h sur l'asphalte, c'était la limite autorisée alors, histoire de regarder la ville depuis son meilleur point de vue, disait-il. Nous étions montés sur le périphérique comme on serait monté sur un manège ou sur la grande roue de la place de la Concorde, ravis de notre idée, et nous avions regardé ce grand paysage en se disant qu'il faudrait revenir tous les 10 ans, voir ce que le chantier de la Philharmonie allait donner, ou encore celui des Tours du Haut, tout juste annoncé. Repartons pour un tour, avec François Chalin encore, mais d'autres aussi, pour faire ce truc qu'on se promet toujours de faire dès qu'on aura le permis, mais qu'on ne fait jamais. Bienvenue à bord, c'est l'écrivain Aurélien Bélanger qui est au volant, et on est porte de Saint-Cloud. Ah, le Parc des Princes est là-bas. Ah, ça y est, là on rentre sur le périph. Alors, il y a un truc ultra important sur le périph, et qu'on va finir par perdre, c'est les lampes à sodium, ce orange si particulier, qui donne l'impression qu'on rentre dans une mandarine. Et donc, c'est pas totalement dévasté par l'idée de la pollution et de la crasse noire, etc. Il y a quand même ce truc qui reste de « on rentre dans un agrume génial ». Paris est un peu patatoïde. L'angle varie suffisamment pour qu'on puisse arriver à formaliser l'idée qu'on n'est pas dans un anneau, mais qu'on est dans un boulevard. Et d'un coup, c'est comme si Paris était ouvert. On n'est plus du tout sur un machin rond avec Paris à gauche et la banlieue à droite. On est sur un grand boulevard qui fend la ville en deux. Et donc, cette espèce de vieille lune de « il faut abolir le périph, il faut ressouder Paris à sa banlieue », en fait, le périph, en soi, au niveau de sa pure... de la mise en scène qu'il fait de la ville, accomplit déjà ce miracle. Et donc, là, à tout moment, je ne sais pas, puis je vois les tours au loin, il y a la tour TF1 et la tour Bouygues, je crois, qui apparaît au loin. Je ne sais pas exactement si elles sont à Paris ou pas à Paris. D'ailleurs, là, il se trouve qu'il y en a une qui doit être à Issy, les Moulineaux, et l'autre qui est à Paris, mais ce n'est pas la question. Elles font partie du même objet urbain. Donc, en fait, le périph, de façon très paradoxale, soude la ville et donne à voir quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je pense qu'il a beaucoup marqué ma génération. C'est les premiers jeux vidéo de voitures, donc avec des graphismes très pauvres, mais il y avait toujours des villes un peu style Las Vegas qui clignotaient au loin sur le désert. Et bah, paradoxalement, Paris, quand bien même on n'arrête pas d'en vouloir et de haïr ce périphérique, si on est sérieux sur l'expérience que procure le périphérique, on atteint quelque chose comme ça. C'est une machine qui distribue la ville, mais un petit peu comme elle distribue des cartes, etc. Et donc, il y a ces trucs géniaux. Bah, là, à droite, on a la tour TF1, par exemple, devant nous, une tour Microsoft. Il y a quand même plein d'objets marrants qui surgissent à tout moment et qu'on n'est pas sûr d'avoir jamais vu ailleurs que du périphérique et qui n'existe peut-être que pour être vu du périphérique. Donc, il y a aussi une mise en scène. Et c'est ambigu parce que c'est pas la mise en scène un petit peu terminale, un petit peu spectrale de la Défense où il y a vraiment chaque multinationale à poser son jeton un peu comme aux échecs. Là, c'est quand même un peu foutraque. D'un autre côté, c'est un peu spectaculaire. Là, on est vraiment pile au milieu de ça, on franchit la Seine. Il y a d'ailleurs des tours qui se construisent, donc France Télévisions à gauche. C'est C'est très problématique, mais c'est tout l'aspect un peu jeu du capitalisme. C'est que le capitalisme, avant d'être un système d'organisation de la société, avant d'être un système d'aliénation, etc., c'est aussi quelque chose d'enfantin. Et le périph' est un endroit où on peut retrouver ce rapport enfantin au capitalisme, ce qui est au-delà du jugement moral. Il y a des objets marrants qui sont posés dans ce monde, et après, à soi de faire un... de pousser le truc, est-ce qu'on est content d'être entouré de multinationales et est-ce qu'on n'est pas aliéné par tout ça. Mais là, on est vraiment dans la naïveté. Regardez le spectacle du monde moderne. Eh ben ouais, il y a une tour Microsoft parce que vous utilisez des logiciels Microsoft au quotidien. Il y a une tour Safran parce que vous êtes content d'aller en vacances et d'utiliser des réacteurs Safran. Enfin voilà, il y a quelque chose de... On est dans le bac à sable, dans la boîte à jouets du monde contemporain. C'est des jeux hypostasiés qui sont devenus des bâtiments et qui repose par des petits fils bizarres sur nos neurones, quand on est sur la ville comme vraiment fabrication mentale, et là qui dit vraiment je suis la partie loisir, je suis la partie protection défense militaire, je suis la partie information. C'est pour ça que l'image de la fantasmagorie qui est assez benjaminienne est bonne, parce que tout ça repose en dernier lieu sur des compétences cérébrales assez primitives, assez enfantines, mais ça a donné lieu à la construction d'une ville. Et à nouveau, une très grande zone magnifique, la tour Eiffel à gauche, le siège des radios, la maison de la radio, le front de scène. Et puis à droite, toute cette nouvelle collection de bureaux qui sont établis. Dans... François Chalin, critique d'architecture. Tout ça, quand ça a été conçu, il faut bien imaginer que c'était des lieux encore d'industrie. Sur les photos des années 60, on voit des étendues infinies de toits de briques avec des sheds. Il y avait des kilomètres et des kilomètres d'industrie. Il n'y en a plus aucune. Maison de la radio, tout ça, c'était des usines à l'ancienne. Et ici aussi, le palais des expositions de la Porte de Versailles, tout était une mer de toits de tuiles, de tuiles mécaniques. Des grues encore, partout des grues. Hein. C'est vraiment une des zones, la dernière zone de grande transformation de Paris. Donc toutes ces zones qu'on pourrait facilement appeler des no man's land, parce qu'il n'y avait pas seul des connaissaient des gens qui aiment fréquenter ce genre d'endroit, ou qui aiment la prostitution, ou qui sont dockers, ou qui sont ferrailleurs, on les connaissait. Et maintenant, ça devient des lieux assez importants du Paris à venir. C'est évidemment les dernières jachères, puisque Paris maintenant va être plein. Autant que Paris est une ville relativement morte et relativement peu active, autant les abords du périphérique changent encore très très fréquemment, ici, à Ballard, en d'autres endroits. Il y a 15 grues, c'est magnifique pour qui aime les grues, pour les enfants comme nous. On voit là-bas l'immeuble Samsung, enfin, c'est un immeuble très célèbre de l'architecture qui a été fait par un grand architecte qui s'appelle Claude Parent, c'était l'ancienne maison de l'Iran de la cité universitaire. Il est à 7-8 km et c'est la publicité la plus chère de Paris parce que c'est celle qui se voit de plus loin. Autrefois il y avait grand rond Mercedes, maintenant c'est Samsung. Ça rapporte un fric considérable cette publicité. Vous imaginez, des gens sont condamnés à la voir pendant, s'il y a un embouteillage, pendant une demi-heure, s'il n'y a pas d'embouteillage, pendant 7 ou 8 minutes. Alors là, il est encore tôt, donc il n'y a pas ce chatoiement des enseignes de publicité qui, parfois, n'est pas trop mal. C'est pas le Japon, hein. C'est pas Shinjuku, c'est pas Times Square, c'est pas Piccadilly Circus. Mais peut-être un jour, ce sera plus extraordinaire encore. Et ça, c'est véritablement une beauté moderne que la beauté de la publicité lumineuse. Alors, il y a aussi cette chose assez désagréable, c'est que le périphérique étant considéré comme une sorte d'égout à voiture, une sorte de lieu infâme, on a eu tendance à le border du côté banlieue par des immeubles d'assez médiocres hôtels bas de gamme ou par des immeubles de bureaux qui sont tout à fait opaques. Donc on l'a encaissé en quelque sorte, notamment dans toute la partie sud, vers Montrouge, où il a perdu beaucoup de sa transparence. Mais vous voyez à droite ces grands immeubles de bureaux noirs, 8 étages, complètement opaques, qui font que la lumière n'arrive plus, que le soleil n'arrive plus sur le périphérique, et qui renforcent son caractère de douve, hostile en quelque sorte. Alors que quelques percées de lumière auraient pu l'inonder de lumière à certains moments. Et voilà un bâtiment qui a beaucoup souffert, parce que ce bâtiment byzantin, néo-byzantin de l'église, ou le nom de cette église, est un bâtiment qui est entouré, qui est bordé par le périphérique, et de l'autre côté par la bretelle d'accès à l'autoroute du Sud. Donc ça devient un isolat assez cruel, mais en même temps assez curieux, qui peut-être un jour retrouvera une assise, mais qui pour moi est un peu isolée. Notre-Dame du Périph. Ah bah ça, c'est la base de la base, c'est mon expérience de banlieusard, l'église, je crois que c'est l'église des Portugais, c'est l'église de Gentilly, et donc il y a ces anges en cuivre verdâtre qui dégoulinent, et quand moi j'arrivais donc d'Essonne par l'Assis A ou B, il y avait ces anges verts, et ce rapport gothique à l'architecture, en fait Notre-Dame m'émeuvera toujours beaucoup moins que ces espèces de cariatides un peu dégueulasses qui verdoissent sur ce truc, et qui m'ont un peu initié au concept modeste de Gotham, en fait. C'était pas Paris, c'était Gotham, c'était la ville du mal, en fait. C'était la capitale du mal, et il y avait quelque chose de gothique qui résistait, et que j'ai pas totalement perdu. C'était le moment où on arrivait, en fait. C'était le premier monument de Paris. C'est marrant parce que j'habitais, par l'autoroute, c'est 30-40 km de Paris. Donc j'habitais à peu près aussi loin de Paris que le tour complet du périph. Et donc, voilà, je connaissais très très bien l'Assis, les différents monuments, l'usine Coca-Cola de Grigny. Enfin voilà, je voyais bien comment les choses se dispersaient. Et quand, à l'arrivée sur le périph, c'était le moment, on était à Paris. Et avec toujours ce suspense, moi je comprenais pas du tout la gestion qu'avaient mes parents de. Pourquoi on rentre pas à Paris? Pourquoi est-ce qu'on est à Paris, on fait le tour? Parce que on va à la Villette. Et donc, en fait, c'était moins une frontière que on est censé arrêter, là. On est censé rentrer. Et c'est comme si, en fait, c'est presque une sorte de délire de banlieusard. En fait, on arrive à Paris, mais c'est pas pour nous. Donc, en fait, on va faire le tour et puis on va ressortir. On aura vu Paris. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on rentrait pas, quoi. Et en fait, c'était très, très rare qu'on rentre par la porte d'Orléans, ou par la porte d'Italie, ce qui eût été la logique normale. Il y avait toujours une sorte de subtilité tordue d'aller chercher la porte de Bercy pour arriver à Notre-Dame. Mais bon, tout ça m'échappait largement, mais faisait que le périph était, en fait, en soi, c'était le principal monument parisien. Parce que c'était le plus grand. Là, c'est sublime. On doit être sur les hauteurs de la vallée de la Bièvre, je pense. Donc, devant nous, on a la fac de Tolbiac, qui est un vrai chef-d'œuvre architectural avec ses cubes tenus. Là, en fait, on est à la poterne des Peupliers. On est à l'endroit où la Bièvre rentrait dans Paris. C'est un nom, poterne des Peupliers, déjà, c'est un nom à la poésie géniale. Et c'est les fameuses tours du 13e, quoi. C'est quelque chose avec la tour circulaire qui finit un peu en chalet. On sait pas trop pourquoi elle finit en chalet. C'est vrai que là, c'était très court, mais c'est dommage, ça roulait bien, quoi. Mais il y a eu 30 secondes sublimissimes, où on voyait vraiment... Loin. Et puis surtout, il y avait à la fois les tours étaient très très hautes, c'était une architecture très dégingandée, qui fait que le 13e est génial, parce que c'est vraiment le 13e, c'est là où ça se mélange le plus, en fait. Il y a à la fois des choses très anciennes, il y a à la fois des gratte-ciels, enfin des petits gratte-ciels à l'échelle de Paris. C'est très marrant comment tout ça s'imbrique, et en partie parce qu'il y a l'île de la Bièvre découverte, qui fait qu'en fait la topologie est compliquée. On a construit par-dessus. Et donc, et malgré tout, voilà, il y a eu un moment où on arrivait à voir la topologie. On arrivait à comprendre à peu près que oui, on remontait les coteaux d'une rivière disparue. Et c'est quand même assez... Il n'y a pas beaucoup d'endroits, il y a Montmartre un petit peu, d'endroits où quand même on voit à travers Paris passer les molles ondulations. C'est une postulation qu'on ne peut pas ne pas faire, c'est quand même la possibilité que la ville n'existe pas. Quel serait le paysage si la ville n'avait pas existé? Le paysage serait à peu près cela. Et là, on en a eu un échantillon. Puis on pourrait le réduire à néant en disant c'est un anneau qui se résorbe lui-même, qui n'est pas du tout, qui est une abstraction qui est posée. En fait, malgré tout, il y a des petits paysages. Là, on a franchi une vallée et on a quand même senti qu'on avait franchi une vallée. Et même si c'est rien, c'est assez émouvant. Qui habite dans le nord-est parisien et qui a grandi en banlieue ouest. Et comme tout banlieusard, quand j'étais ado, le périph, c'était la frontière vers la ville. Alors aujourd'hui, quel est mon rapport au périph? D'abord, le périph, comme beaucoup de Parisiens, c'est un objet urbain finalement qui nous est étranger. Parce que comme beaucoup de Parisiens, j'ai pas de voiture. Renaud Epstein, sociologue. Et donc, le périph, finalement, j'y passe assez rarement. J'y passe quand je rentre tard le soir d'une soirée en banlieue et que je prends un taxi ou un VTC. Et je dois dire que, en plus, ce sont des moments, vous savez, on rentre tard le soir, souvent avec un petit coup dans le nez, avec un rapport à l'espace qui est un peu différent de celui qu'on a en temps ordinaire. Et ces dernières années, j'aurais pas dit ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ces dernières années, je trouve que le périph est quand même un splendide théâtre. C'est une découverte paysagère de Paris, quoi, assez remarquable. Il y a eu l'implantation tout le long du périphérique d'un grand nombre d'objets urbains, de grandes constructions, qui sont dans des échelles qui sont proportionnées au périphérique. Et qui sont pour certains vraiment les signatures des star-architectes mondiales, de Piano à Nouvelle et quelques autres. Et passer comme ça, de nuit, à assez grande vitesse, mais pas trop grande vitesse quand même, le long de ce qui est une forme de musée architectural à ciel ouvert, c'est une expérience que je trouve très plaisante et qui est tellement en rupture avec finalement les souvenirs d'enfance et d'adolescence ou d'un adulte que j'avais à la fin du 20e siècle, quand le périph, c'était exclusivement de l'embouteillage et rien à voir, du moche. C'est plus le cas. C'est vrai que si on compte, on a un nombre incalculable de grands architectes qui ont construit le long du périph. Évidemment, chacun ses obsessions, et si on commence, la liste est immense, avec des pièces remarquables, comme le Parc des Princes, le Stade Charletti, l'Institut du Judo, la Maison de l'Iran, la Tour Bois-le-Prêtre, la résidence étudiante de la Porte de Bagnolet, les Mercuriales, la Philharmonie, le Tribunal de Grande Instance. Si on se contente des architectes stars, on a au bord du périph deux Renzo Piano, un Dominique Perrault, un Porzampar, bientôt un Herzog et de Meuron avec la Tour Triangle, et puis bien sûr, les deux bâtiments du plus connu des Français, Jean Nouvel, qui a construit la Philharmonie, et ce qui a fait irruption dans le ciel parisien, tels deux Godzilla disproportionnés, les fameuses Tours du Haut. Alors au pied des Tours du Haut, on voit un paysage à la fois fascinant, très complexe, très hétérogène, et très significatif, je trouve, de cette histoire étrange de ces bords de Paris, de ces abords de la banlieue, et des dilemmes que pose aujourd'hui à la ville et au Grand Paris, finalement, la suture entre les deux entités. Françoise Fromenot, professeure et critique d'architecture. Donc on est techniquement, on est entre la Porte d'Ivry et la Seine, et entre, les Tours du Haut sont implantées, entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard périphérique, donc une énorme emprise annulaire qui enserre Paris depuis les années 60, cette double infrastructure autoroutière. Alors voilà pour le plan. Et alors en coupe, on oublie toujours de parler de la ville moderne comme une ville épaisse. Eh bien, nous sommes au-dessus des voies ferrées de la gare d'Austerlitz qui, elle, transversalement, vient de la gare implantée à la limite du Vieux Paris et qui file vers le centre de la France et qui se trouve plusieurs mètres plus bas. Donc il faut imaginer le périphérique qui franchit les voies ferrées avant de franchir la Seine, qui est un des endroits assez formidables quand même de ce franchissement du périphérique. Donc voilà, on est dans un site en trois et même en quatre dimensions, si on considère tous les flux, toute la temporalité dont il est parcouru, et qui est très... très beau en même temps. On a une vue sur la banlieue, sur Ivry, on est à la limite d'Ivry-sur-Seine. La limite de Paris passe juste derrière le périphérique. Donc d'un côté, avec ce paysage très hétérogène, des grands immeubles, une topographie qui est toujours visible. Et puis quand on se tourne vers Paris, le 13e arrondissement avec ses grandes tours. Et puis quand on continue à tourner, eh bien, on a cette avenue de France, avec cette appellation tout à fait extraordinaire, bordé de toutes sortes de constructions neuves, particulièrement des logements, de part et d'autre de son axe, donc qui mène à la gare d'Austerlitz, et où on voit bien que les Tours du Haut, donc au pied desquelles nous sommes, sont le point culminant de toute une opération énorme, immobilière. Alors avant, c'est toujours une question difficile quand on parle de ville, parce qu'il y a toujours un avant et un avant de l'avant, et que, comme disait un célèbre psychanalyste, le fantasme des origines, c'est l'origine du fantasme, n'est-ce pas? Mais bon, soyons sérieux. Alors, avant, il y avait une immense zone industrielle, pour faire vite. C'est-à-dire que les dépendances de la gare d'Austerlitz s'étalaient entre les voies ferrées qui sont maintenant couvertes et les berges de la Seine pour fabriquer un immense territoire servant de Paris à l'intérieur de ces murs. Il en reste aujourd'hui quelques bâtiments comme la centrale d'air comprimé, la Sudac qui est devenue une école d'architecture, comme les grands moulins aux farines qui sont devenus une annexe de l'Université Paris Diderot. Donc il reste ces quelques gros objets patrimoniaux industriels, mais globalement c'était un paysage de voies ferrées, de dépendance au fond de la ville, dans cet endroit particulier qui sont ces berges étendues de la Seine. Donc c'était un paysage fluvial, industriel, ferroviaire, qui a été, à la fin des années 80, après des lustres de tergiversations sur qu'en faire, etc. Donc il a été décidé de faire un nouveau quartier urbain. La SNCF refusait absolument de déplacer la gare de Sterlitz. Donc il a été décidé, tenez-vous bien, de recouvrir tout ça. C'est-à-dire que là, nous sommes sur un territoire totalement artificiel et totalement inventé. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, là encore en coupe, hein, entre la Seine et l'avenue de France au bout de laquelle nous sommes, une grande pente, voilà, qui fait aller du niveau, on pourrait dire zéro, des berges de Seine au niveau haut de l'avenue de France, un grand remblai sur lequel on a construit un nouveau quartier, et puis au-dessus, une immense infrastructure linéaire en pont à plusieurs étages, très solide pour qu'on puisse construire par-dessus, sur laquelle se trouve l'avenue de France et tous ces bâtiments qui la flanquent et qui sont censés en faire les Champs-Élysées de l'Est. Alors les Tours du Haut, elles s'appellent les Tours du Haut parce qu'elles sont deux, à l'évidence, parce qu'elles sont censées converser. On pourrait les appeler des tours cousines plutôt que des tours jumelles. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être inconsciemment, de l'idée de reconstituer avec ces tours, ces un peu déhanchées, un peu très plastiques, un peu ce que avaient joué en leur temps les tours jumelles de New York, avec le triste destin qu'on sait, qui était cette expression redoublée par la gémellité de la puissance du capitalisme américain face à l'Europe et face au monde. Là, on a, alors sur le mode peut-être de la farce, après la tragédie, deux tours un peu posées comme des danseuses, dit Jean Nouvel, face à la banlieue, comme une sorte de V de la victoire qu'on fait avec ses doigts. L'index tourné vers Paris et le majeur vers la banlieue, avec leurs façades toutes différentes, avec des brises-soleil qui les animent, avec voilà, cette volonté de refléter un petit peu ce contexte désarticulé, de refléter aussi la circulation du boulevard périphérique, hein, puisque la plus grande des deux tours, qui fait 180 mètres, a une grande façade sur le périphérique, légèrement déportée vers le bas, ce qui fait qu'elle constitue une sorte d'écran où se reflète la circulation incessante du périphérique. Alors les tours d'eau, c'est compliqué parce que Jean Nouvel est quand même une épine dans le pied des gens qui s'intéressent à l'architecture parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses géniales, il a fait beaucoup de choses ratées. Non, non, et puis c'est marrant parce que les tours d'eau, on commence à les voir de partout, on les voit d'un peu partout dans Paris, on les voit au loin, et donc elles jouent un peu leur rôle. Il y a un peu la même chose de l'autre côté avec le nouveau palais de justice, elles jouent quand même leur rôle de signal que doivent faire des tours. On a beaucoup dit, ouais, on va remettre des tours en périphérie, machin, on recommence le truc, on va les mettre au bord du périph', etc. Oublions ça, disons que les tours sont quand même des points de repère amusants, des sortes de télégraphes de chape comme ça de la modernité. Et donc on est content, enfin moi j'étais hyper content, on n'a pas parlé de la tour triangle là-bas qui n'existe pas encore, moi j'étais hyper content que les tours d'eau existent, juste pas très satisfait du revêtement. Il y a une partie avec un revêtement en calcaire beige que je trouve totalement aberrant et assez raté. Mais bon. Donc voilà, une sorte de projet qui paradoxalement paraît beaucoup plus petit quand on est à son pied que quand on est loin, parce que c'est un bâtiment qu'on voit absolument partout. On le voit comme un signal parisien très très fort. Et elles paraissent immenses. C'est quand même la plus grande des tours et le troisième bâtiment le plus grand construit à Paris, derrière la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Donc c'est pas rien en termes d'échelle. Et vu d'en bas, ça paraît pas si grand que ça. Alors peut-être est-ce une des vertus de cette architecture un peu compliquée que de briser cette échelle de proximité. Et en même temps, quel signal offert par Paris à la banlieue? Est-ce que vraiment l'idée de marquer les portes avec cette gigantesque architecture distinctive, avec son sommet déhanché, basculé vers l'arrière, voilà ce côté très très marquant, est-ce que c'est vraiment l'image que Paris aujourd'hui doit donner à la banlieue? C'est une vraie question, je trouve. Cette tour est un signal extraordinaire, à la fois pour le Grand Paris, pour Paris, un signal de créativité, d'attractivité. C'est aussi une tour qui va être exemplaire sur les questions environnementales. Anne Hidalgo pose la première pierre du chantier des Tours du Haut, 2017. Donc c'est un grand moment parce que j'ai eu la chance d'être au point de départ de ce projet. D'abord, l'autorisation donnée pour qu'il puisse y avoir un immeuble de grande hauteur. Ensuite, j'ai eu la chance de présider le jury qui a été le jury qui a attribué à Jean Nouvel la possibilité, le privilège de pouvoir construire ce bâtiment magnifique. Et puis c'est le signal de Paris, cette ville-monde qui est ouverte, qui est attractive, qui est dynamique. Donc je suis très heureuse d'être là. Ce n'est pas la fin d'une histoire. Je pense que c'est une façon, dans une stratégie de long terme, qui est une vision que j'ai pour Paris et qui est partagée par beaucoup, beaucoup d'acteurs, qu'ils soient du secteur privé, les Parisiens, etc. Cette vision-là, elle se concrétise ici et elle va permettre de nouveaux prolongements. Donc je suis particulièrement heureuse. Les tours du haut, elles sont cette étrange construction qui finalement est très datée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très datée ? Bien parce que le concours pour occuper cet interstice ingrat entre le boulevard des Maréchaux et le périphérique a eu en 2012, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. C'était un concours organisé par la ville, présidé par Anne Hidalgo, je crois, et à l'époque, voilà, on... l'imaginaire de la métropole, de la grande hauteur, du dynamisme parisien tel qu'il pourrait être exprimé par une architecture volontaire, distinctive, le recours à Jean Nouvel, qui est un architecte qui a toujours revendiqué une forme de contextualisme, de à la fois s'adresser de manière spécifique au site et au programme auquel on a affaire, mais aussi capter l'esprit de l'époque. Donc on voit bien, ces tours du haut, elles captent l'esprit d'une époque qui n'est plus. Parce que, évidemment, le gratte-ciel, surtout comme ça, surtout dans un terrain tout proche de la Seine, dans un terrain meuble, inondable, ça n'a rien d'écologique. Il faut des quantités de béton hallucinantes pour fonder un bâtiment comme celui-là. Surtout avec l'inclinaison de 5 degrés qui tire sur les fondations, qui suppose des ancrages très profonds, avec beaucoup d'acier, beaucoup de béton. Enfin, je veux dire, le bâtiment, il est peut-être... Je ne connais pas les chiffres, mais ces fondations représentent peut-être à la moitié du volume qu'on voit émerger. Donc ne serait-ce qu'en termes de consommation de ressources, de consommation d'énergie, voilà, on est encore par-delà la forme architecturale dans un projet absolument daté et dont on ne sait pas du tout ce qu'il va pouvoir devenir. Ils vont creuser très profond puisque c'est une tour qui va être énorme. Elle va faire 180 mètres de haut. Vidéo du journal Le Parisien, 2022. Au 20e étage, ça va aussi faire deux largeurs de tour Montparnasse. Donc c'est très, très, très large. Les associations œuvrent encore pour arrêter ce chantier, mais admettons que celui-ci aille jusqu'à terme. À la place de cette trouée, ce ciel bleu que vous voyez, on va avoir une barre verticale et horizontale. Un bâtiment mastoc de 180 mètres de haut et 150 mètres de large le long de cette avenue. L'idée de construire des tours aux portes de Paris le long du périphérique, et en particulier entre le périphérique et les boulevards des Maréchaux, date d'il y a elle aussi 20 ans. C'est-à-dire que c'est à partir de 2002, je dirais, en tout cas pour ici, que Bertrand Delanoë, dans l'enthousiasme déclenché par... les exemples d'innovation architecturale que nous donnaient les pays dits émergents décident que le symbole du dynamisme de Paris, cette vieille capitale finalement qui a une image un peu touristique, un peu ancienne, un peu 19e, va passer par la résurrection d'un type architectural qui est pourtant très très encodé dans le 20e siècle. C'est ça qui est drôle, hein, les tours, les gratte-ciel, c'est vraiment un type architectural du début du 20e siècle. C'est l'idée de donner des signaux de la modernité de Paris au regard de la mondialisation, d'une part, donc une idée d'image, une idée d'architecture, par la hauteur, par les symboles de la mondialisation, mais aussi, plus contextuellement, l'idée qu'au fond, cet anneau qui est le périphérique, il ne faut pas le construire de manière continue, outre mesure, comme proposent certains qui veulent en faire un boulevard urbain. Ben les tours, par définition, on construit beaucoup avec une faible empreinte au sol et que donc des bâtiments hauts pourront permettre, outre de constituer des signaux, d'occuper peu de terrain et donc de ne pas emmurer le périphérique dans une falaise d'immeubles tertiaires comme ça a été fait par exemple autour de la Porte d'Orléans où on a exploité à mort l'assiette foncière de part et d'autre, et le périphérique passe dans une sorte de canyon, mais surtout empêche les velléités de communication physique, hein, de porosité entre les arrondissements périphériques et puis les communes de la première couronne. Donc cette idée, vous voyez, a plusieurs raisons. Une troisième qui est rarement mise en avant, mais que ici on voit très très bien, c'est que dans ce paysage qui est absolument balafré par toutes ces infrastructures, la gare en bas, enfin les voies ferrées, le périphérique, avec toutes ces bretelles, etc., eh bien on a des petits morceaux de terrain, des petits morceaux de sol, qui sont des sortes de chutes territoriales laissées par cette grande ingénierie des flux, et que bah, des bâtiments avec une assiette faible, ça permet de rentabiliser des endroits qui sont très pollués, très bruyants et très petits en termes d'assiette foncière. Alors en l'occurrence ici, donc au débouché de cette avenue de France qui commence nulle part et qui finit avec rien pour l'instant encore, oui, alors l'avenue de France, elle s'arrête sur les Maréchaux, sur cette grande esplanade, enfin petite esplanade en fait, sur laquelle reposent les tours du Haut. Et puis on voit au bout le périphérique avec son flux de voitures. Et donc voilà, il y a un réel problème de terminaison et de rapport entre tous ces niveaux, tout cet étagement d'infrastructures. Et évidemment, ce site, il a toujours été le plus problématique et le plus impensé en fait de tout le grand projet de Paris Rive Gauche. La théorie de Benjamin dans le Livre des Passages, c'est qu'on vit dans les rêves de la génération précédente, en fait. Et le capitalisme ne se laisse à comprendre que sous le régime paradoxal de la nostalgie. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre exactement quel est le régime du temps actuel, quels sont les systèmes de domination. Tout ça est compliqué, mais la façon dont on vit dans la mentalité passée, là, par exemple, typique, on a la baleine de Bercy. La baleine de Bercy, à l'ère du e-commerce et de la décroissance, n'est pas un objet d'aujourd'hui. Et pourtant, elle commence à nous émouvoir, parce qu'elle nous parle d'un temps qui presque pourrait nous émouvoir, d'avoir « Ah ouais, c'est vrai, j'allais avec mes parents dans des hypermarchés le samedi, et on faisait la queue avec des chariots, mais qui étaient pleins de façon pyramidale. » Bon, au-delà de toute contestation de la société de consommation, cela a existé, et que ça ait des monuments poussés jusqu'au bout, il y a l'idée qu'en fait l'architecture n'est pas du tout un dialogue avec les vivants, contrairement à ce que voudraient dire les architectes, etc., sur le côté on fait des bâtiments pragmatiques, etc. L'architecture en fait est un jeu avec les morts des époques précédentes. On a franchi la Seine, on est rive droite. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes Porte de Charenton. Rue de Charenton, plus longue rue de Paris, qui finit de façon amusante. Je crois que c'est le cimetière où on mettait les guillotinés, le cimetière de Charenton. Je ne dis pas que l'ouvrage soit très beau en lui-même, c'est-à-dire que les poteaux, les parois, les murs, ne sont pas formidablement dessinés. Parfois il y a une chose jolie, comme ici on pénètre sous le bois de Vincennes, il y a une petite dalle, là, il y a le bois par-dessus, c'est assez bien fait. Mais tout ça c'est des choses qu'il faut apprendre à regarder si on veut les aimer, bien sûr. C'est pas donné à chacun. Et puis il y a la beauté même d'être pris dans un flux, d'être pris soi-même dans un flux. Je ne fais pas l'apologie de la circulation, je roule presque jamais, j'ai presque pas de points d'ailleurs. Donc il faut que je me ménage. C'est-à-dire que le discours des urbanistes, des bien-pensants, de la plupart des gens, est que c'est une expérience humaine épouvantable qu'être sur ce périph'. Il y a des millions de gens qui le prennent et je crois qu'ils en sont assez contents parfois. Regardez au loin, là, on voit vers Bagnolet cette espèce de cacophonie, mais de cacophonie vivante. Les tours de la porte de Bagnolet, l'antenne de télévision, l'archevêque Vasconi. Bâtiment futuriste s'il en est. C'est une tour télé et en fait en bas la base militaire est spécialisée dans les écoutes informatiques ou électroniques. Les grandes oreilles, comme on disait autrefois sur l'espionnage. Quoi. Alors là on arrive sur l'un des deux ou trois chefs-d'œuvre du périph' avec le Parc des Princes et quelques autres, c'est les Mercuriales, donc les Twin Towers françaises qui ont survécu, elles. Donc à l'époque, c'était genre un peu gênant de dire que c'était les Twin Towers françaises, mais suite au 11 septembre, elles sont devenues les seules Twin Towers. Bon là, c'est sublime, c'est dommage qu'on ne bouchonne pas. Il y a des passerelles routières partout légèrement inclinées. On a l'impression d'être dans un circuit de jeux à friction. Quel dommage que ça roule si bien, quoi. Il y a un truc que j'adore au Mercurial, c'est qu'il y a une sorte de longue double hélice pour permettre l'accès à un parking. Et au centre de cet endroit, il y a une sorte d'ovale vide qui ressemble un peu au Colisée, enfin une sorte d'arène de gladiateurs. Et au milieu, il y a deux, trois personnes qui vivent, il y a un canapé, etc. Mais c'est comme si ça inversait le chose. C'est pas qu'ils sont congestionnés dans le machin, c'est comme si cette énorme chose qu'on appelait Paris, cette énorme entité gigantesque qu'on appelle la ville, avait comme but de préserver la tranquillité des deux types qui vivent avec leur fauteuil dans cette espèce de mini truc. Enfin, ils avaient l'air très protégés comme une émeraude verte dans le chat d'une énorme bague. Ici, on monte la colline vers les Lilas, on entre dans le tunnel sous la nouvelle couverture et quand on ressort, c'est la descente. L'hôpital Robert Debré à gauche, puis dans la plaine, la Philharmonie et son soufflet scintillant, le gymnase en face qui ressemble à un petit origami déplié, les grands moulins de Pantin tout ripollinés. Bientôt, il y aura ce grand virage à gauche et ça sera le Far West urbanistique de la Grande Plaine du Nord, inauguré par la drôle de tour de la Porte d'Aubervilliers, rhabillée de marbre, un peu toc, un peu Disney. Le périph prend ses aises et c'est maintenant une deux fois quatre voies. Ici, on est dans toute la partie nord. Vous voyez, on voit le Sacré-Cœur, le revers du Sacré-Cœur, qui bien sûr ne nous regarde pas, puisqu'il ne regardait pas ces régions. Ça n'existait pas, Saint-Denis, ça n'existait pas, ces banlieues. Même ces quartiers populaires n'existaient pas à l'époque du Sacré-Cœur. Paris était de l'autre côté. Maintenant, il est des deux côtés. Mais le périphérique ici, c'est assez beau, comme parce qu'on voit très très loin le paysage, on voit à des kilomètres. S'il faisait beau, on verrait peut-être les terrils de Lens. En fait, ce qui est très plaisant depuis 3 ou 4 km, c'est qu'on est sur le périph', enfin, sur pilotis. Et donc, on a une vue très, très agréable. Et puis, c'est la vraie autoroute urbaine à l'ancienne, mise sur pylône, au milieu des tours. En fait, en soi, si on était vraiment très sérieux, parce qu'il y a quand même une obsession, on ne peut pas construire le moindre truc sans réfléchir en termes d'imbrication, est-ce que ça casse pas le paysage ? Alors qu'en fait, le vrai paysage à préserver, c'est ça. S'il y avait vraiment à investir un truc en mode... c'est un objet prodigieux. Moi, j'avais pour projet de faire classer à l'UNESCO les changeurs de Bagnolet et les changeurs de la Porte de la Chapelle, qui sont des objets merveilleux et qu'on va détruire bêtement et qu'on va oublier. Et puis, il y a la beauté des ouvrages. On va arriver à la Porte de la Chapelle, l'ouvrage de la Porte de la Chapelle. On a du mal à se figurer quand on l'emprunte, discrètement, comme ça, comme c'est beau. On le voit parfaitement quand on voit des dessins, des épures d'ingénieurs de l'époque. On le voit très bien sur les maquettes. On le voit très bien sur les photos de la construction, les photos aériennes faites au moment de la construction où l'immeuble, le truc est inachevé. C'est comme une sorte de grande épure blanche posée sur le sol. Maintenant, on le sent moins parce que tout ça a pris. Ça s'est encrouté, plein d'arbres, plein d'activités, plein de panneaux. Mais c'est d'assez belles choses. Et si un jour, parce qu'actuellement, on veut leur renier les ailes, on veut les ratiboiser, en partie pour se venger en quelque sorte de ce monstre. Mais peut-être qu'un jour... si les voitures étaient plus aimables, moins bruyantes, etc., on découvrait la beauté que ça a. On pourrait très bien aussi les abandonner aux piétons, parce que dans ces grandes rampes, il y a une merveille à vivre, là. Mais on est dans une situation de viaduc. Alors, bien sûr, c'est particulièrement bruyant, ça diffuse partout du bruit. En même temps, il y a une très grande beauté à ça. En dessous aussi, c'est pas mal, d'ailleurs, quand on va dans les cimetières ou les endroits qui sont là-dessous, c'est assez curieux, parfois. Pourquoi c'est entranché ? Pourquoi ça n'est pas entranché ? Je ne sais pas. Probablement parce que c'est des régions pauvres et qu'il était moins cher de le faire sous forme de viaduc. Probablement. Dans les régions les plus bourgeoises, bien sûr, on l'a creusé, on l'a enfoui sous les forêts, Bois de Boulogne ou ailleurs. Dans certaines régions modérément riches, on l'a mis entranché et là, on l'a mis en viaduc. Alors les gens dégustent. Nous sommes à cet endroit comme les rois du périph. C'est super large, on voit super loin, mais en réalité, le périph est ultra brutal ici. Il passe à ras des habitations, il a même posé ses piles au milieu du cimetière des Batignolles, comme s'il se moquait de tout, comme si autour de lui, il n'y avait rien. D'autant qu'il enjambe ici la porte Pouchet, une petite porte qui n'a pas de bretelles, une petite porte de rien du tout, qui, comme la porte Montmartre, la porte des Poissonniers, la porte Chaumont, la porte Brunet, la porte de Ménilmontant, la porte de Montempoivre ou encore la porte de la gare, sont complètement tombées dans l'oubli, faute d'un panneau sorti sur le périph. La qualité incroyable des infrastructures, c'est que c'est continu. Pierre-Alain Trévelot, architecte, agence TVK. C'est-à-dire une infrastructure, elle cherche la continuité. Et donc, c'est toujours ce paradoxe, là aussi, mais fondateur, qui est que c'est là où on décide de la limite, que s'installe une continuité dans l'autre sens, sur la limite. Et c'est donc quand on est sur la limite qu'on ne voit plus cette limite. et qu'on la pratique comme une continuité, donc comme quelque chose de fluide, donc de liquide. Le boulevard périphérique, parce qu'il a été, ça a été un projet total, il répond à des objectifs, notamment de circulation, à des objectifs qui le concernent dans sa totalité, mais il est aussi constitué d'une multitude de lieux, de séquences, de fragments. Antoine Vigé-Coller, architecte, agence TVK. Il est animé de multiples forces, et notamment des forces transversales, qui là aussi sont aussi le fait de l'histoire, de la géographie, des lieux traversés, et qu'il faut aussi s'intéresser à ces lieux dans leur diversité pour pouvoir apporter des réponses à un certain nombre de situations. Alors que jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à se dire, si on veut changer le périph', soit il faut le faire disparaître, soit il faut faire circuler moins de voitures, mais ce qui évidemment paraît complètement impossible parce que toutes les autoroutes arrivent sur le périph', donc ça voudrait dire qu'il faudrait déjà s'attaquer à la fréquentation et à la circulation sur les autoroutes pour pouvoir réduire un peu le tuyau qui arrive sur le périph'. Donc on a essayé de changer d'approche en regardant plutôt aussi le boulevard périphérique, on pourrait dire par fragments, et c'est en croisant un peu cette double dimension, c'est-à-dire à la fois ça, évidemment sa portée métropolitaine, mais aussi la nature des lieux qu'il traverse, qu'on a commencé à le voir différemment. On a souvent une grande idée pour résoudre le problème, quoi. On a l'idée magique, quoi. On se dit on va le démolir ou alors on va le couvrir. Nous, on considère que ça, c'est réfléchir comme au XXe siècle. Et on n'a rien contre la façon dont les gens ont réfléchi au XXe siècle, mais c'était le XXe siècle. on réfléchit plus de la même manière. On n'a plus besoin de produire des infrastructures parce qu'on les a déjà produites. Et nous, on a souvent besoin d'expliquer ça parce que quand vous dites que vous êtes intéressé par les infrastructures, on pense qu'on veut en construire. On pense qu'on est pour faire des autoroutes. On n'est pas pour faire des autoroutes, on les a déjà. On n'a plus besoin de faire des autoroutes, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, par contre, il faut les regarder très précisément. Parce que le problème des autoroutes, c'est que vous les regardez de haut, parce que c'est tellement grand. Mais en fait, pour connaître une autoroute, il faut la connaître comme votre chambre, en fait. Il faut que vous sachiez exactement comment c'est construit, comment c'est fait. Sinon, vous regardez pas les choses, et vous pouvez pas les comprendre, surtout si elles sont très grandes. Donc il faut passer du temps à côté, à hauteur d'homme, et essayer de comprendre comment c'est fait. En fait, on s'est rendu compte, à partir d'un grand nombre de données, qu'il y avait une sorte de communauté de destin entre les parties de ville qui étaient de part et d'autre du périphérique. Donc, quand on a compris ça, on s'est dit, finalement, cette idée que c'est pas du tout la même chose à l'intérieur et à l'extérieur du périphérique, elle est un peu fausse. Et si elle est fausse, ça veut dire que le périphérique est un espace qui n'est pas uniquement comme on l'a perçu jusqu'à présent, c'est-à-dire un espace qui installe une hiérarchie et qui définit un intérieur et un extérieur, mais au-delà d'intérieur et d'extérieur, quelque chose qui a plus de valeur et quelque chose qui a moins de valeur, ce qui est quand même un peu à l'origine du projet politique français, c'est-à-dire de définir quelque chose de hiérarchique qui est le centre et la périphérie. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça qui se produit. Et c'est ça qui est intéressant parce que, du coup, on peut le regarder à la fois pour lui-même et pour les relations qu'il a avec ce qui est de part et d'autre. Et pour lui-même, ça veut dire que ce grand vide, encore une fois, ce qu'on appelle périphérique souvent comme un raccourci, c'est un grand espace ouvert. Ce grand espace ouvert, il a capacité, en fait, à mettre ensemble des formes allongées qui vont un peu de part et d'autre du périphérique et qui essayent de s'appuyer notamment sur la géographie. Bon, y en a qui sont très évidentes, celles qui accompagnent la Seine. Par exemple, du côté de Bercy ou Ivry, vous avez cette grande vallée qui rentre et qui elle-même a été accompagnée par les voies ferrées de la gare de Lyon et de la gare d'Austerlitz. Donc cette grande vallée, c'est pas uniquement la Seine, c'est la Seine et son lit, en fait. Et tout ça, ça pénètre dans Paris. On a appelé ça, à l'époque, les identités métropolitaines. Mais on pourrait, plus proche d'ici, parler aussi de la corniche, la grande chaîne de collines qui rentre de Romainville jusqu'à Belleville et qui va, là aussi, traverser le périphérique. Donc il y a ces grandes dynamiques et elles sont très explicites, mais on pourrait toujours, en restant un peu dans ce coin-là, dans l'Est, là, de proche en proche, vous avez aussi, finalement, le 20e arrondissement et Montreuil, cette idée, vous savez, que Montreuil est le 21e arrondissement ou un quart. C'est vrai à plein d'égards, sans doute, aussi du point de vue d'une forme de gentrification ou de caractéristiques sociales, mais c'est aussi vrai parce qu'il y a une continuité, là aussi, territoriale, assez forte, entre cette partie de l'Est parisien et les communes riveraines, notamment Montreuil, Bagnolet, mais même plus au sud, Saint-Mandé, Vincennes. Alors TVK, qui est l'agence qui a transformé la place de la République, a commencé à travailler sur la porte Pouchet il y a 20 ans. On ne va vous en raconter qu'une partie, parce que c'est un travail qui concerne tout un îlot. Ils ont éloigné des habitations trop proches du périph', les ont reconstruites sur un ancien parking, une tour a été entièrement désossée et rhabillée avec de grandes loggias par les architectes Lacaton et Vassal, et puis surtout, ils se sont occupés de la suture, de comment passer sous le périph', de Saint-Ouen à Paris et vice-versa. Ils ont commencé par faire le vide, c'est-à-dire enlever tout ce qui avait été mis là. Une préfourrière et ses Algeco, des véhicules de transport de la mairie de Paris, des camions de pompiers, tout un univers chaotique, le royaume de la voiture, des palissades aveugles partout, un endroit très sympathique pour les piétons. C'est vrai qu'on est dans une situation assez incroyable parce que le boulevard périphérique, on le voit, est largement surélevé. Il enjambe le cimetière. Et puis, il y a cette autoroute qui devait venir, qui n'est jamais venue. Donc, il n'y a pas de bretelles. Et comme il n'y a pas de bretelles et que le périphérique est surélevé, bah, finalement, on est très bien protégé du bruit. C'est-à-dire, le bruit monte, donc on l'entend assez peu quand on est au niveau du sol. Et comme il n'y a pas de bretelles, en fait, on peut assez facilement passer. Et c'est vrai que cette configuration, assez naturellement, il y en a d'autres des configurations comme ça autour de Paris, où on se glisse sous le périph' et on passe d'un côté à l'autre sans même s'en rendre compte. On s'est dit, au fond, on pourrait, comme il y a de la place, vraiment installer un espace très large, assez ample, qui permette de passer d'un côté à l'autre et d'aller chercher le jardin qui est de l'autre côté, côté Saint-Ouen, qui lui, petit à petit, chemine, et c'est d'ailleurs en cours, cheminera jusqu'à la Seine. Donc il y avait une opportunité paysagère assez incroyable qu'on pouvait saisir à cet endroit. Alors ça paraissait un peu saugrenu quand on a dit à la ville de Paris, quand on a gagné le concours, qu'il fallait faire un espace public au pied du périph' et qu'il serait très confortable. Mais je crois que c'est, quand on y est, en tout cas, on se rend compte que c'est possible. Et on voit que ça passe aussi par une façon de prendre soin de l'ouvrage lui-même. C'est en fait, on redécouvre cet ouvrage qui en fait est un ouvrage de béton très bien construit, assez magnifique, pour peu qu'effectivement on en prenne soin, on le nettoie. Nous, on avait comme image, et c'était aussi un argument qu'on utilisait pas mal, de dire, regardez le métro aérien qui était détesté pendant très longtemps, à partir du moment où on en a fait un élément de patrimoine, et ben c'est devenu un élément du vocabulaire parisien. Donc là, c'est aussi un peu cette démonstration-là qu'on a cherché à faire, c'est-à-dire occupons-nous du dessous du périph', et puis accompagnons cet espace public du périph' par un autre espace public capable d'accueillir évidemment le piéton, et puis tout un tas d'usages, des terrains de sport, des jeux pour enfants, et puis aussi des immeubles qui tiennent un peu cet espace avec des rez-de-chaussée où il se passe des choses. Précisément là où on passe, on a essayé de tout ouvrir, mais en fait, le regard passe partout, d'une part, et puis les piétons, ils passent à différents endroits sous le périphérique. Donc ce qui fait qu'on glisse vraiment, et ce qui fait aussi qu'il y a une continuité végétale, une continuité de plantation au sol et aussi à travers les arbres. Voilà, donc c'est aussi cette idée que l'infrastructure, c'est le socle écologique de la ville, vous voyez ? Elle garantit une capacité écologique que finalement la ville dense a plus de mal à garantir. En discutant, on est passé sous le périph', on a levé les yeux et pour la première fois, parce qu'il a été nettoyé, on a vraiment vu le périph', comment il était fichu. On voit une structure très claire déjà, et c'est important. Le périphérique, ce mot énorme, il ne permet pas de comprendre qu'en fait, c'est une structure compréhensible, claire, qu'on peut toucher. Alors, notamment, on voit deux poteaux énormes, octogonaux, et seulement deux dans toute la largeur du périphérique. Et donc, vous avez là une sorte d'abri, un toit, avec une nervure. C'est-à-dire, quand vous regardez ce toit, vous voyez les poutres et vous voyez entre les poutres une structure en béton légèrement incurvée, et donc vous comprenez comment c'est construit. En plus, ce béton-là, il a été nettoyé. Là, on a un espace dont on se dit, bah tiens, on en prend soin, ce béton-là, il est beau, parce qu'on en voit donc la façon dont ça a été coulé avec les planches de bois, toutes les lignes des planches de bois, qui fait qu'on comprend comment ça a été fait. Et ça, c'est fondamental. L'architecture nous raconte la façon dont ça a été fait. Et donc, on n'est pas n'importe où, et on est dans un espace avec une échelle humaine, puisqu'on peut toucher les poteaux. On ne peut pas toucher les poutres, elles sont trop hautes, mais on les voit très bien. Voilà, donc on est vraiment dans un lieu construit et compréhensible. Le fait qu'on puisse s'en approcher, qu'on se glisse dessous, qu'on l'épaississe, il y a une façon de le domestiquer, en fait, tout simplement. Et puis, effectivement, de changer l'image, en fait, de changer la représentation qu'on fait de cet objet, effectivement, qu'on pouvait considérer monstrueux parce qu'on le regarde toujours à distance, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut que s'y approcher en voiture. Tout d'un coup, ça change beaucoup la perception qu'on en a des choses. En gros, on est dans des endroits nourris de paradoxes entre des grandes infrastructures et puis des gens qui étaient là, qui habitaient là, et où en gros les échelles se croisent de façon assez violente. Et où effectivement, on voit qu'on peut petit à petit s'acclimater, apprivoiser ces objets, les transformer, sans pour autant les renier ou chercher à les faire disparaître. Nous, ce que l'on croit depuis qu'on a fondé l'agence, c'est-à-dire que ces grandes infrastructures, elles sont en réalité extrêmement terrestres et qu'on peut s'appuyer sur, justement sur ces situations terrestres pour les rendre habitables. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas les prendre avec un point de vue moral ou moraliste. Ceux qui les ont créés avec un certain nombre d'idées et d'objectifs. Donc je pense qu'il faut plutôt se demander comment est-ce qu'on continue à s'occuper de ces lieux-là. Parce que finalement, c'est peut-être pas tellement les objets qu'on a construits que l'usage qu'on en fait et la façon dont on continue à les utiliser qui est problématique. Déjà, on arrive au deuxième centre commercial successif, après le Millénial, on est sur Sceaux Ouest. Je suis venu faire une signature dans l'espace Leclerc il y a quelques années. C'était un peu un bide, mais j'étais content d'y aller à pied. Bah, on arrive sur le Valois. Le Valois, c'est compliqué parce que c'est vraiment une ville qui a refusé l'architecture, en fait, ou qui a fabriqué du pastiche avec tout ce qu'il fallait de corniches et de faux balcons pour rassurer une certaine population. Donc on a... Tout le point, c'est qu'il faut, si on ne vient pas souvent, c'est prodigieux de prendre le périph. En fait, tout Parisien devrait prendre le périph une fois par an, tout Français devrait prendre le périph une fois par an. Si on le prend tous les jours, c'est dégueulasse, c'est horrible, on en voit que les défauts. Mais de temps en temps, se rappeler que ce paysage existe, est-ce qu'on peut vraiment le traiter comme un paysage ? Parce qu'on va pas se mentir, je provoque un petit peu, mais il n'y a rien de pire que d'aller au bord de la mer. On s'ennuie terriblement sur un littoral, il se passe à peu près rien, et de temps en temps, on s'émerveille parce qu'il y a une mouette ou un bateau. La quantité, la générosité du paysage qu'on est en train de traverser est prodigieuse. Et pour plein de raisons, on n'est pas capable de l'apprécier, mais c'est bien de temps en temps de remettre un petit peu les trucs à plat et de dire « le périph', c'est quand même beaucoup plus intéressant que la Normandie, quoi. Point. » Alors là, on arrive vers la porte Maillot et vers Auteuil, c'est l'endroit aux lapins. Tout le monde connaît ça quand on rentre par l'autoroute de l'Ouest, l'été surtout, on voit des centaines de lapins en train de courir, là, des noirs et des beiges. C'est l'endroit où il y a eu le premier projet, il y a très très longtemps, de couverture du périphérique par un immeuble. L'architecte d'affaires qui s'appelait Kakoub, qui était un juif marocain qui avait eu le prix de Rome, deuxième grand prix de Rome, je crois, à Lyon, dans 59, si je ne me trompe pas, et qui avait fait un grand projet d'immeuble spéculatif qui aurait couvert le périphérique. Puis finalement, il y a eu des levées de boucliers, et puis probablement la crise, peut-être la crise de 73, la crise pétrolière, et ce projet a été abandonné. Et depuis, on n'a pas retenté de couvrir véritablement le périphérique, en tout cas pas avec des immeubles. Parfois une dalle, parfois un terrain de sport, un abri pour un cirque. Mais je ne pense pas que ce soit souhaitable de le couvrir trop, parce qu'on ne peut pas préjuger de ce que seront les... Regardez les lapins, il y en a plein, là. Plein de lapins, c'est extraordinaire. on peut pas préjuger de ce que seront les conditions de circulation dans 20 ou 30 ans. Et si on a fait un égout, un caniveau, comme on a mis sous égout la Loire à Nantes ou le canal de A2, la Lille, etc., un jour on ne pourra plus le découvrir. Et quand on aura des voitures très légères ou très agréables et moins polluantes, on sera face à un univers entièrement souterrain et probablement fort désagréable. Ah, périphérique, c'est comme la révolution, il faut le prendre d'un bloc. Il ne faut pas chipoter. À vrai dire, je n'aime aucune partie. J'aime le périphérique comme ouvrage, comme idée un peu. Hein. J'aime pas son nez, sa chevelure, ses lèvres ou ses chevilles. C'est pas Brigitte Bardot dans le film Le Mépris. C'est un grand machin qu'on prend d'un bloc. Ben voilà, on a fait le tour à 23 minutes 30 secondes, comme promis. C'était Le périph, c'est comme la révolution, il faut le prendre d'un bloc. Avec Nora Amadi, François Chalin, Aurélien Bélanger, Renaud Epstein, Françoise Fromono, Pierre-Alain Trévelot, Antoine Vigé-Coller. Merci à Luc Martin-Gousset, Archivina Denis Forget, Documentation musicale Antoine Villoz, Prise de son Éric Audra, Virginie Lorda, Marc Garvenès, Johanna Grabitsch, Andreas Jaffray, Jean-Guy Lermège. Mixage, Jason Taous, stagiaire Malo Toquet, attaché d'émission Marivonne Bolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. Le périph, après tout, une série documentaire de Camille Jusa, réalisée par Benjamin Hu. Thank you.